tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et 4 épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, Génération ZAD, une série d'Alain Lefkovitch réalisée par Marie-Laure Ciboulet. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce qu'on a fêté en avril 2021 les 50 ans de la lutte du Larzac. Et aussi parce que cet été est née et a été disloquée la ZAD de Gonesse. Et ça nous a donné envie d'explorer ces zones à défendre pour comprendre ce qui trouve certains jeunes qui s'y installent. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, un générateur de la tôle, des palettes, un projet de gare et une jeune fille émerveillée qui vit le collectif, même dans la tourmente, qui se découvre libre de ses décisions et qui a même appris à fabriquer un four en paille et en terre. Mais pour commencer, le premier épisode, on scande des slogans. Plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud. À Saint-Ouen, les composteurs de Saint-Ouen, à Saint-Denis, l'espace imaginaire, le passage à Guette, Permapolis, le collectif des jardins Paris 8, les jardins du 110, à La Courneuve, notre parc n'est pas à vendre, à l'île Saint-Denis, le théâtre Nous, à Pantin, les jardins de Pantin. Principes, perspectives, c'est ici. À Montreuil, le collectif Asphalte, récolte urbaine. Si on peut commencer rapidement, comme on n'a pas beaucoup de temps. La Fédération des Prenez des chaises à côté si vous n'avez pas de chaises, il y en a là. De l'humus, EIF, Garde la pêche, le Pré Saint-Gervais, le Pré en transition. Ici, c'est principes et perspectives de la coordination. À Bobigny, Activille. À Bagnolet, la bergerie des Malassis. On est concentré, on commence. Les jardins des Vertus. L'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à constituer cette coordination. Vraiment qu'on se dise, cette coordination, elle existe. Des terres pour Robert. Elle est ouverte à d'autres collectifs. Le laboratoire résidence. Elle est tournée vers des perspectives. Elle est annoncée dans le champ des espaces écologiques en action. Drancy, Balek, Balek. Qu'on puisse faire circuler cette information, qu'il y a une coordination qui s'est créée pour nous organiser. En fait, Noisy-le-Sec. On ne peut pas faire l'économie, on ne peut pas faire l'impasse d'avoir un certain nombre de principes communs sur lesquels on est tous et toutes d'accord, tous les collectifs qui sont ici. Sauvage et cultivé. Sur des principes communs d'appartenance en fait à cette coordination. Dans le 11e arrondissement de Paris, le TEP Ménilmontant. Donc si vous voulez bien, je peux vous relire, ou quelqu'un d'autre peut le relire d'ailleurs. Dans le 10e arrondissement, retrouvons le nord de la gare du Nord. Et peut-être notons. Chacun, s'il nous semble révéler ou qui nous semble faire ressortir des principes importants. C'est la ligne 18, sa clé. Alors, ce rendez-vous a pour objectif de créer un espace de rencontre, de partage d'expériences, de solidarité, ouvert aux collectifs et associations engagées dans des pratiques d'écologie. Génération ZAD, un désir de sens, par Alain Lefkovitch et Marie-Laure Ciboulet. On n'a pas réussi en criant, on n'a pas réussi en manifestant, on n'a pas réussi en signant des tribunes. Il reste le droit et la ZAD. C'est vraiment, je pense, les deux moyens qui arrivent en dernier lieu un petit peu. Le zadiste reste, d'un point de vue du droit, un délinquant, c'est-à-dire quelqu'un qui a commis une infraction pénale. ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ce qui s'est passé et qui continue de se passer à Bure, ce qui s'est passé sur la ZAD du Carnet et ce qui s'est passé sur la ZAD de Gonesse, en fait, chaque ZAD, il me semble, fabrique sa propre culture politique. C'est-à-dire sa propre sensibilité. Ce sont des espaces de décision en permanence. ZAD, Z-A-D. Cet acronyme qualifié de néologisme militant, c'est à NDDL, comme on dit, à Notre-Dame-des-Landes, que je l'ai lu pour la première fois il y a 10 ans, à la faveur d'un reportage auprès de ceux qui luttaient contre le projet de nouvel aéroport à Nantes et qui occupaient le terrain. De zone d'aménagement différé, on est passé à ZAD pour zone à défendre. À défendre contre la bétonisation, les aménagements, les projets inutiles et écocides. Des zones à défendre comme outil ultime de lutte, la dernière option quand toutes les alternatives ont échoué, même le droit. Un engagement total, philosophique, intellectuel et physique, pour défendre ce qui reste d'un monde en danger d'extinction. Alors partout, collectifs et associations s'organisent en coordination régionale pour être plus forts dans les combats qui les opposent à l'État et au chantre d'un capitalisme destructeur et déshumanisant. Vivre à la ZAD du Carnet, ça a changé ma vie politiquement, humainement, socialement, amicalement, amoureusement, dans toutes mes relations. Ça a bouleversé toute ma vision du monde et ça m'a secoué dans toutes mes convictions et ça a été une énorme claque, mais la plus belle claque de ma vie. Il y a des gens qui ont théorisé les révolutions, ils disent que la révolution elle marche, c'est dans ta révolution, tu as les personnes âgées avec des cheveux blancs qui font des tartes aux pommes, et tu as les jeunes qui sont prêts à aller sur les barricades, quoi. Quand tu as tout cet arc-là de la société, et j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. En Ile-de-France, c'était le 13 février 2021, sous le chapiteau de la Parole errante à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Ils étaient des dizaines venus pour raconter leur lutte et s'associer à celle des autres. C'était quelques jours seulement après la création par le CPTG, le collectif pour le Triangle de Gonesse, de la première ZAD d'Ile-de-France, celle du Triangle de Gonesse. Comme sur le plateau de Saclay, à Bure, dans les centaines de squats partout en France, ou encore à la ZAD du Carnet, créée en septembre 2020, contre l'extension du grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire dans l'estuaire de la Loire, on invente un nouveau monde, on fait table rase. Jeunes et moins jeunes, étudiants, autonomes, radicaux ou modérés, artistes, architectes, ingénieurs ou artisans, écologistes, communistes, anarchistes, indépendantistes basques et bretons, mais également agriculteurs et maraîchers, féministes, gilets jaunes, retraités ou tout simplement hors système. Tous discutent, débattent, expérimentent, inventent d'autres liens sociaux, une autre humanité, d'autres formes d'organisation basées sur l'autonomie, l'autogestion, la démocratie directe, la décroissance. Tout est contesté, le genre, le patriarcat, la racisation, la mixité ou encore l'opposition entre nature et culture. Les idées fusent, s'entrechoquent. À la ZAD, on habite, on mange, on dort et on respire en lutte. Une expérience cathartique pour Clémence, 18 ans, occupante du Carnet, l'expression même de cette génération en quête de sens. J'ai une famille où on parle beaucoup politique. Je suis arrivée au lycée, je suis allée en manif, à bloquer mon lycée. Et je me rendais compte que j'étais énervée aussi, et que j'avais un peu la rage aussi. Et je me disais, bon, il faut quand même que je sache de quoi je parle si jamais je fais ça. Et puis du coup, je rencontrais des gens qui s'y connaissaient hyper bien, ou qui avaient des pensées que je ne connaissais pas. Du coup, je me suis mis à lire des livres sur l'anarchisme, beaucoup sur le féminisme, sur l'antiracisme. Après, je voulais faire d'autres trucs un peu plus concrets que juste aller en manif, parce que, on va pas se mentir, on n'a pas l'impression de faire quelque chose de très concret quand on termine une manif. Du coup, je suis allée faire des maraudes. C'était bien. Surtout que c'était des maraudes en autogestion et tout. L'autogestion, c'est l'absence de relation de pouvoir dans les liens sociaux, sans avoir d'influence, en tout cas d'emprise. Les initiatives individuelles sont toutes les bienvenues acceptées. Elles n'ont même pas besoin de l'être, parce que chacun fait ce qu'il veut, en fait. Donc, du coup, j'ai découvert un peu ce fonctionnement-là. Ce qui, d'ailleurs, fait un peu peur au début, parce que genre, t'arrives et les gens ils disent, bah, tu fais ce que tu veux, et t'es un peu là, mais d'habitude, tout le monde me dit quoi faire depuis que je suis petite, il y a un supérieur. Et là, non. Après, pendant l'été, je suis allée à Notre-Dame-des-Landes. J'avais suivi, quoi, toute la lutte, enfin, ça me faisait rêver, quoi. Et puis, j'étais allée là-bas. Bon, sauf que la lutte, elle était terminée, du coup, parce que j'y suis allée en 2020. Puis, j'ai fait des trucs, des trucs manuels que j'avais jamais fait vraiment. J'ai construit un four. Avec la terre paille, ça j'avais jamais fait par exemple. En fait, j'avais un peu l'impression d'être en vacances d'été. Le côté politique était extrêmement faible, quoi. Enfin, en tout cas, là où j'étais, il n'y avait plus vraiment de lutte. Enfin, c'est un endroit qui était chargé d'histoire et ça, j'ai trop kiffé. Mais après, je suis rentrée à Paris, c'était la rentrée. Et pendant que j'ai. Ah oui, parce qu'en fait, pendant que j'étais à Notre-Dame, ils avaient annoncé qu'il y avait une nouvelle ZAD qui allait se créer en Loire-Atlantique, à côté de Paimboeuf et de Saint-Nazaire. Et qui serait de la ZAD du Carnet. Et je me suis dit, ah, trop bien. Notre-Dame, c'est sympa, mais moi, j'ai envie d'aller voir et d'aller participer à une ZAD en lutte. Du coup, quand c'était la Toussaint, j'y suis allée. Et après, j'y suis restée parce que c'était trop cool. C'était trop incroyable. Vivre en autogestion, vivre en collectif, c'était vivre dans la nature, c'était découvrir énormément de monde, énormément de vécu, énormément de... C'était apprendre à faire plein de trucs avec ses mains, c'était avoir des discussions de ouf, c'était apprendre à se défendre, c'était aimer un endroit, un lieu, une énergie collective, enfin vivre complètement différemment de tout ce que j'avais vécu avant, c'était trop bien et en plus je trouvais assez concret et qui faisait sens pour moi. Archive, 17 février 2021. Depuis dimanche, une quarantaine de zadistes se relaient nuit et jour. Sur ce terrain de l'établissement public foncier d'Île-de-France, à Gonesse. Leur objectif, empêcher sur ces 110 hectares de zone agricole la construction de la gare de la future ligne 17 du métro. Cette gare ici sur le triangle Lyonnais a été prévue strictement pour Europa City. Elle est loin des habitations, les premières habitations sont à 1,7 km, dont Europa City a été abandonnée. Cette gare ne se justifie plus. Cette zone à défendre rassemble des habitants de Gonesse et de plusieurs villes de France. Tous redoutent l'urbanisation totale de ces terres. Après, ils vont nous dire « Ah oui, mais pour rentabiliser la gare, il faut bétonner autour. » Une pétition en ligne a récolté près de 10 000 signatures, dont celle de Nicolas Hulot. Le propriétaire du terrain a assigné en justice le président du collectif. Donc bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Siamak. Je fais partie du collectif pour le Triangle de Gonesse. Donc j'étais le 23, 24 et 25 janvier à Notre-Dame-des-Landes pour le collectif pour le Triangle de Gonesse. Alors l'idée, c'est de réunir plusieurs natures de lutte, puisque on avait d'une part des paysans. Et de l'autre, eh bien, il y avait, par exemple, nous, franciliens, donc il y avait des collectifs de Saclay, il y avait le Triangle de Gonesse, mais il y avait aussi des terres pour Aubert, les collectifs d'Aubervilliers, donc ça c'est pour l'Île-de-France. Il y avait des collectifs qui venaient de Rennes, de Bretagne, de Lyon, de Grenoble, de Marseille, et de toutes les villes aussi qui se battent contre l'artificialisation des sols. Dans l'histoire des luttes, on va dire, écologiques et agricoles, eh ben, il y a toujours eu un dissensus entre ces deux mondes. Parce que les agriculteurs, eux, c'est leur profession. Donc, en fait, ils ne peuvent pas se mettre en porte-à-faux et faire du blocage et faire des actions illégales. Alors que nous, eh ben, on peut, en tant qu'urbains, se mobiliser et peut-être avoir d'autres types d'actions. On pense à Extinction Rebellion, par exemple, etc., qui ont utilisé beaucoup de blocages ces derniers temps. Et donc, de réussir à se mettre d'accord autour de tout ça pour élaborer un programme qui porte le nom de « Soulèvement de la Terre ». Et c'est un mouvement politique qui propose de faire ces actions. Alors, ce qui nous a mis d'accord, c'est deux choses qui sont alarmantes aujourd'hui et qui nous disent qu'on a la nécessité de travailler ensemble. D'une part, d'ici 2 ans, près de 50% des agriculteurs en France vont partir en retraite. Et donc, ça signifie qu'il y a 50% des terres agricoles de la première puissance européenne agricole qui vont se libérer. Et il faut qu'on prennent possession, qu'on arrive à participer à la construction du futur de l'alimentation et de l'agricole pour notre pays. De l'autre, c'est aussi le constat que le bio, dans la politique, est un échec. Il est temps de se saisir de ces problématiques-là et de travailler ensemble pour pouvoir justement faire émerger des idées. Et juste, je conclue sur le serment du triangle, qui est un titre de propriété collective. Il a été acté, comme sur le serment du jeu de paume, en fait, sur le modèle du serment du jeu de paume, que nous sommes tous copropriétaires de ces terres fertiles et que nous prenons la responsabilité de les défendre en cas de bétonisation ou de danger. Et ce serment du triangle, il a été signé, par des habitants, par des maraîchers, par des collectifs, y compris par des élus. Et aujourd'hui, on l'a mis sur Internet et on a près de 10 000 signatures, un petit peu moins, il me semble, 9 620 ce matin. La Société du Grand Paris annonce vouloir débuter les travaux d'une gare au milieu de ces terres. Étant établi que ces terres abritent la biodiversité, qu'elles conservent la ressource en eau et qu'elles limitent les pics de chaleur, étant établi que l'établissement public foncier d'Île-de-France, EPFIF, a fait l'acquisition, au nom de l'intérêt général, de 110 hectares de terres agricoles du triangle de Gonesse. Ces 110 hectares doivent être considérés comme un patrimoine commun. En conséquence, je m'en déclare copropriétaire avec l'ensemble des habitants de l'Île-de-France. Je me déclare responsable du vivant qui les habite, que je m'engage à protéger contre toute tentative d'artificialisation et de destruction, quelle qu'elle soit. Alors, je vais passer la parole à Sylvain, qui va présenter la ZAD du Triangle de Gonesse, qui s'est montée cette semaine. On va fêter demain une semaine d'occupation. Effectivement, c'est historique. On est sur un terrain occupé illégalement. On a la police qui vient régulièrement. Tout ce qui est institutionnel veut nous, à peu près, je fais rapide, hein, mais veut nous expulser. Et voilà, il y a des choses au tribunal qui sont en train d'être faites. Et nous, ce qu'on souhaiterait, bien évidemment, et notre revendication principale, c'est l'abandon de cette gare en plein champ qui n'a aucun sens. Il y a 10 ans, la lutte, elle a commencé avec une banderole et 10 personnes, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, on est en train de monter la première ZAD d'Île-de-France qui tient depuis presque 7 jours. C'est ouf quand je le dis. Encore merci, merci, merci. Et j'ai trop d'émotion en moi. Alors, il y a combien de personnes aujourd'hui après 5 jours d'occupation ? Cette nuit, il y avait une trentaine de personnes qui dormaient. Ça grossit petit à petit, parce qu'au début, il y avait qu'une dizaine de personnes. Et maintenant, voilà, 30 et la journée, à peu près le triple quoi, qui sont sur site. Alors, c'est quoi ce triangle de Gonesse ? C'est près de 800 hectares qui se situent entre le Bourget et Roissy, les deux aéroports. Ce sont des terres très fertiles, des terres limoneuses, argilo-limoneuses profondes. Et en fait, c'est menacé depuis maintenant près de 30 ans par des différents projets d'urbanisation. Mais ces 10 dernières années, depuis que le collectif pour le triangle de Gonesse existe, le CPTG, il y avait le projet Europa City qui a été abandonné en novembre 2019, l'année dernière. Donc 9 ans de lutte pour faire abandonner ce projet, projet de la métropole du Grand Paris, projet privé, puisque c'était Auchan et Wanda qui finançaient tout ça. Et aujourd'hui, en fait, le triangle est toujours menacé, puisque même si Europa City a été abandonné, il y a un projet de gare qui est un peu le cheval de Troie pour l'urbanisation, donc qui est toujours situé en plein champ à l'heure actuelle. Enfin, sa construction potentielle serait en plein champ. Et donc autour 110 hectares de bureaux qui sont prévus de bétonner les champs, puisqu'on ne peut pas construire de logements sur le triangle de Gonesse. On est sous les pistes de l'aéroport, donc on peut faire que des bureaux ou des hôtels. Blanc-Ménil, Charles de Gaulle. Oui, c'est ça. Une question qui est intéressante aujourd'hui, c'est que c'est en proche périphérique, disons aux marges de l'urbanisation, que se trouvent les enjeux les plus importants de l'artificialisation des terres, de la progression de la ville sur la campagne. Stéphane Tonola, ethnologue chargé de recherche au CNRS, spécialiste des interstices urbains. Et qu'on trouve des mobilisations les plus vivante aujourd'hui. Hein. Vous avez celle de Saclay d'un côté, celle du CPTG à Gonesse, mais aussi celle de la plaine de Montesson, celle du triangle de Marcoussis. Enfin, il y en a un peu partout, tout autour de Paris. Et donc, c'est des lieux, à mon avis, d'exploration, à la fois de la lutte contre l'urbanisation à tout craint, mais aussi d'exploration d'alternatives. Et donc l'idée, c'est d'initier une boucle vertueuse, hein, de production sur le triangle, de consommation dans les villes alentours, de recyclage des déchets pour produire du compost vers le triangle. Et donc d'avoir une agriculture qui se retourne à nouveau vers la ville. Voilà. Le blé de Gonesse, qui par exemple a fait la célébrité de cette ville, parce que le pain de Gonesse était mangé à Paris pendant très longtemps, eh ben, ne va plus à Paris, ce blé. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de reconnecter la ville et l'agriculture. Alors, pourquoi c'est important de raconter cette histoire en tant qu'ethnologue ? Ben alors moi, j'ai une position qu'on appelle pragmatiste. Alors, pas pragmatique, hein, mais c'est une philosophie qui considère que les solutions, c'est pas forcément la science qui va les trouver. Les solutions, elles sont inventées un peu partout dans la société, par les citoyens, et la science y participe. Et donc le rôle d'une discipline comme la mienne, qui est l'ethnographie, c'est d'essayer de découvrir parmi les mouvements citoyens des innovations intéressantes, d'essayer de les comprendre et de les expliquer à tout le monde. Et là, je pense qu'avec, par exemple, le collectif pour le triangle de Gonesse, on a un exemple de mobilisation qui est très intéressant pour les mouvements qui s'organisent un peu partout en France, mais aussi pour ce qu'on pourrait appeler une forme de démocratie en acte que eux mettent en place dans leur lutte même. Hein. C'est un mouvement dont on pourrait dire qui aligne les moyens avec les fins et donc qui, dans sa façon de lutter contre le projet, met en place déjà un modèle de fonctionnement démocratique déjà intéressant. Si aujourd'hui il y a une occupation du terrain qu'on appelle une ZAD, c'est pas parce qu'on avait envie de faire une ZAD. Le CPTG est réduit à des moyens illégaux, mais par état de nécessité, hein, c'est ce que je dirais. Et puis je pense qu'il y a aussi quelque chose de galvanisant pour les citoyens de s'engager dans des mouvements comme ceux-là, hein, parce que ça leur donne l'impression que ça y est, ils font quelque chose qui a du sens. Et on entend beaucoup parler aujourd'hui de gens qui sont en reconversion, qui cherchent à réduire ce que j'appelle les dissonances cognitives de leur vie quotidienne dans lesquelles ils sont pris par la consommation alors qu'ils pensent qu'il faudrait faire mieux. C'est une façon d'aligner ses convictions avec ses actions. Alors, c'est le triangle là ? Attends, on est où ? Non, on n'est pas encore arrivé. Je voyais des champs, je me disais, ça y est, on arrive. Alors, comment on fait pour manger, pour dormir, pour se laver ? Pour manger, bah, on va faire des récup. On va chercher dans les magasins ce qu'ils jettent, alors ce qui est très mangeable, mais qu'ils jettent parce qu'il faut qu'ils renouvellent leur stock et qu'ils produisent de l'argent, et etc. Clémence. Bah, nous, on prend ça. Du coup, on a mangé beaucoup pendant longtemps. Pour dormir, bah, je sais pas, on fait comme tout le monde. Genre, on va dans un endroit où il y a un toit et des murs. Puis on ferme les yeux, quoi. Enfin, je sais pas, genre, il n'y a pas 12 milliards de trucs. Ils sont dans une cabane, ils sont dans une tente, puis on prend un sac de couchage et on s'endort. Souvent, j'allais dans la Méduse, qui était la cabane où on m'excitait. C'était une très belle cabane qu'on avait construite. Et puis, pour boire de l'eau, bah, il y avait une bande d'incendie juste en sortant de la ZAD. Et on l'ouvrait, et puis on remplissait des bidons d'eau qu'on mettait dans des caddies. Et ensuite, on revenait au carnet. Et on traversait la barricade et on allait donner l'eau aux différents lieux de vie. C'était vraiment pas simple. Parce que occuper une grande zone et vivre en collectif avec un bon nombre de personnes pendant tout l'hiver, tout en essayant de créer un climat de déconstruction générale autour de toutes les oppressions et en même temps que ça se passe bien et qu'en même temps qu'on vive ensemble et qu'on lutte ensemble et qu'en même temps, on a un peu des moments pour nous, et qu'en même temps, tout ça, et qu'il fait moins 3, et ben en fait, c'est pas très facile. Mais c'est aussi que beaucoup plus vivant et beaucoup plus intense, et on se sent mille fois plus libre que tous les moments où on n'est pas sur zone, en fait. Alors, regardez, juste là, à droite, ça, c'est le potager de la résistance qu'on occupe d'habitude. Là, juste ça, là, ici. Donc ça, à notre droite, c'est le triangle de Gonesse. À notre droite et à notre gauche. Juste à gauche, c'était là où devait être construit Europa City. Donc là, il faut que tu prennes la sortie d'après pour Gonesse. J'imagine que les politiques ont été sollicités sur toutes ces questions. C'est quoi l'argument massu ? Pour Europa City, c'était l'emploi. Hein. Donc Europa City annonçait, sans le justifier jamais, mais annonçait 10 000 emplois. Évidemment que dans un territoire dans lequel le chômage est assez haut, hein, plus haut que la moyenne de l'Île-de-France, Villiers-le-Bel, par exemple, c'est une des 10 villes les plus pauvres de France, ça trouve un écho, quoi. Et le problème, c'est que souvent, ces grands projets inutiles cherchent des territoires de ce genre parce que cet argument porte. Et donc, le travail du CPTG, justement, du collectif, ça a été de démontrer que les promesses d'emploi étaient infondées pour la plupart. Que la plupart des emplois créés dans le commerce, en fait, seraient des emplois piqués, volés à d'autres commerces alentour, puisqu'on a déjà énormément de surface commerciale tout autour. Hein. On a Paris Nord, Aéroville, Paris Nord 2, Usine Center. Enfin bon, il n'y a vraiment pas de besoin de centres commerciaux aujourd'hui. Mais cet argument, il porte encore, puisque aujourd'hui, pour la gare, alors qu'il n'y a pas de projet autour, les élus disent on va créer des emplois. Mais on sait pas lesquels. Il n'y a pas de projet. Donc là, sur la gauche, tu vois le terrain de la ZAD, qui est en fait un ex-parking qui était occupé par les gens du voyage. Et puis, il y a un an et demi, quand ils ont fait des pré-travaux pour la gare du triangle de Gonesse, et ils ont mis une canalisation souterraine pour les eaux usées de la future gare, ils ont en fait une base de chantier, ce qui fait qu'il est très bien clôturé, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un bon terrain pour les occupants, parce qu'il est facile à défendre. Alors, qui exproprie et qui récupère les terres ? L'institution qui exproprie, c'est l'établissement public foncier de la région Île-de-France, qui est un organisme public qui est chargé, dans toute la région Île-de-France, d'exproprier les terres pour les reverser ensuite aux aménageurs. L'aménageur, c'est Grand Paris Aménagement. C'est lui qui aménage toute la ZAC du Triangle de Gonesse, c'est-à-dire la zone d'aménagement concerté. Et aussi, il exproprie pour la Société du Grand Paris, qui construit le métro du Grand Paris Express, la ligne 17 Nord, ici. quand ils sont expropriés, ça veut dire qu'auparavant, il y a eu une enquête publique, puis une déclaration d'utilité publique, qui fait que cette expropriation, elle est dans l'intérêt général. Ça, c'est le vocabulaire qui est utilisé. Et dans ce cas-là, les propriétaires n'ont rien à dire. Par contre, ils sont indemnisés. L'intérêt supérieur de l'humanité, c'est de préserver la planète. Ce n'est pas l'intérêt général au sens du droit. Et alors, derrière nous, donc, la ZAD. Si on se retourne, on voit donc le terrain occupé, la ZAD du triangle de Gonesse, protégée par une palissade aujourd'hui bariolée de slogans. L'intérêt général au sens du droit intègre une dimension qui est beaucoup moins noble, hélas, mais c'est comme ça, qui est la fonctionnalité, c'est-à-dire l'utilité publique. Voilà. Bon, on va rentrer alors dans la ZAD. On va comparer cet intérêt général qui est fonctionnel aux inconvénients que cette même décision va poser, dans lequel on va intégrer un certain nombre d'éléments, dont l'urgence climatique, mais qui n'est qu'un élément qui viendra contrebalancer l'utilité fonctionnelle du projet. François Pinatel, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Quand on dit l'intérêt général supérieur à tout, c'est l'urgence climatique, oui, d'un point de vue philosophique. C'est-à-dire parce que vous considérez, et on est en droit d'ailleurs de considérer, que c'est un intérêt supérieur à tous les autres. Juridiquement, c'est un élément d'appréciation de la décision. C'est deux choses différentes. Et donc, c'est une grille de lecture qui est différente. Moi, je crois que les militants, ils ont parfaitement compris la distinction entre les deux, justement. Je crois que c'est ça leur force. C'est d'ailleurs pour ça que certains d'entre eux utilisent l'arme légale pour se battre. Leur rôle, c'est pas de défendre l'intérêt général fonctionnel. Leur rôle, c'est de défendre cet intérêt général philosophique et surtout de faire en sorte qu'il intègre l'intérêt général fonctionnel. Or, c'est en se battant, en militant, qu'on fait évoluer les consciences. En faisant évoluer les consciences, eh bien, on prendra juridiquement en compte des intérêts qui n'étaient pas pris en compte jusque-là. Mais ça, c'est l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est toujours passé comme ça. Là-bas, de l'autre côté, il y a des cabanes aussi qui se construisent. On tourne le dos 5 minutes, on se retourne, il y a un truc qui a poussé. Quoi. C'est vraiment la ville champignon. Il y a Mosquito qui a eu la bonne idée de demander de l'ail sur la boucle. Ah ouais ? Lui, il pensait un peu d'ail, quoi, tu vois. Ouais. Il dit que comme ça, on tombera pas malade. Donc, il demande un peu d'ail. Le résultat, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a 2 cajots d'ail remplis. Je sais pas ce qu'on... Faut qu'on fasse de la confiture d'ail. Les réseaux marchent tellement bien que dès qu'on demande quelque chose... Ah oui, ils ont mis une porte. Alors, toute la journée, hey, on a une porte. Oh bah maintenant, il faudrait qu'on ait des fenêtres. Alors, il a demandé des fenêtres. C'était quand ? C'était hier, pareil. 10 fenêtres qui arrivent, immenses. Et tout. Alors, qui vous apporte ça ? Mais c'est très varié, quoi. Parce qu'en fait, le groupe de base est très hétérogène. Donc, chacun a des réseaux différents. Et tous ces réseaux, il y a une espèce de croissance exponentielle de l'information dans tous ces réseaux. Et du coup, ça va de... Enfin, je veux dire, c'est... Là, donc, le jeune homme qui était cuisinier et sa maman, ils étaient sur un rond-point gilet jaune avant. Donc, ils avaient l'expérience du rond-point. Ils trouvaient qu'ici, ça ressemblait un peu à tout ça. Il y a des gens qui sont dans des réseaux zadistes, donc qui viennent faire profiter cette ZAD-là de leur expérience. Peut-être pas que je dévoile trop. Et donc, c'est un lieu de formation génial. Enfin, et puis il y a des gens qui au contraire sont beaucoup dans les circuits institutionnels et qui ont une connaissance et qui viennent d'autres. Il n'y avait pas une inspectrice du travail hier ? Non, c'est Bernard qui m'a dit ça. Ah ouais, non, pas que tu savais pas. Attends, hier on a fait une assemblée générale, on était 30 dans le noir avec la fumée des braseros, ça fumait mais de fou quoi. J'avais l'impression d'être dans un tableau, tu sais, du 17e siècle. C'était du Moyen-Âge, une espèce de taverne de pirates là, envoyée. Il n'y avait que la lumière des braseros. C'était génial, c'était complètement surréaliste. C'est super. J'ai des légumes dans le coffre. Ouais. Qu'est-ce qui peut être utile là ? Alors, carottes, en fait, on n'a jamais vraiment réussi à faire la cuisine parce que problème d'électricité, problème de gaz, problème de. Alors, mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on prend les légumes, on les propose aux gens et on leur dit « Prenez les légumes et rapportez-nous de la soupe, par exemple. » C'est-à-dire qu'eux, ils les cuisinent. Donc, n'importe comment, on en profitera. Concrètement, ça vous intéresse ? Bah, je ramène des carottes et des betteraves et les que j'ai dans le coffre. Déjà ici, en fait, tu te trouves dans le salon. Donc, il y a encore en cours de construction et on n'a pas de vis suffisamment longue pour l'instant faire une charpente et faire le toit. Mais c'est là où il y a les braseros et donc le chauffage maison de la ZAD et voilà, les canapés et un peu l'endroit un petit peu convivial de la ZAD. Du coup, hop, tu vas me suivre. Donc là, c'est l'espace cuisine. Là, c'est la table de toutes les choses à manger que les gens nous apportent. Et que, comme ça, les gens, ils peuvent se servir au fur et à mesure de la journée. Plein de pâtes, plein de riz. Enfin, là, on voit toute la solidarité des gens. Le barbecue est ici. C'est un barbecue qui a été fait par un copain qui est passé par Notre-Dame-des-Landes et qui est un artiste et qui fait des sculptures en métaux. Et donc, il nous a fait un barbecue. On continue à avancer. Là, ça fait un petit peu plus de bruit parce qu'il y a un générateur. La buanderie avec tous les outils. Tout ce que tu vois là, c'est que du don. La peinture, de la tôle, tout est... Voilà. Ensuite, là, c'est un peu le coin de chill. Avec le free shop et la bibliothèque. Au départ, il y avait un livre sur une étagère. Et puis, on a fait un appel et il y en a je ne sais pas combien actuellement. Et la trousse de secours quand même, parce que c'est important. Et la ZAD est accès PMR, faut le savoir. C'est-à-dire ? Pour les personnes handicapées. On a quelqu'un qui est venu avec un fauteuil et on s'est rendu compte que ça passait pas là. Donc on a fait un accès avec des palettes pour que les handicapés puissent venir et participer à tout ce chantier. Donc ici, on a un dortoir en construction. Ça, c'est un... Il y a encore quelques jours, il n'y avait que des palettes. Donc c'est en cours d'isolation. Parce qu'il fait quand même assez froid, donc le but c'est que les gens puissent dormir dans un confort le mieux possible. Et soit on pourra mettre des tentes, soit si vraiment on le ferme, un plancher et les gens dormiront avec leur duvet et pour l'instant 5 couches de drap pour avoir chaud. Donc là vous avez le premier dortoir de la ZAD. Donc, c'est les premiers courageux, en fait, ils couchent là à 5-6. Et avec la banderole de soutien, la ZAD du Carnet, donc c'était important aussi sur toutes les ZAD en fait, d'être solidaire avec les autres ZAD. Là, c'est un nouveau bâtiment, donc c'est l'endroit pour se laver. Les toilettes sèches, c'est l'un des trucs les premiers qui ont été créés sur la zone. On était très contents de l'équipe qui est venue du coup nous le faire. Voilà pour le tour de la ZAD. On occupe physiquement un espace, il y a toute une vie, une énergie qui émerge du lieu. Ça va plus loin que juste occuper contre un projet, puisqu'il y a aussi la volonté d'inventer une nouvelle manière de vivre sur tous les différents aspects de notre vie quotidienne. Le truc, c'est que c'est l'autogestion. Donc chacun, si jamais il y a quelqu'un qui disait « Moi, demain, j'ai envie qu'on fasse une discussion sur le sexisme sur zone », tu dis quelle heure, je sais pas, 14h là-bas, et à 14h, je sais pas, à Gitoun, les gens ils venaient s'ils avaient envie, puis il se passait ça quoi. Pour nous, l'autogestion, c'est le fait de s'organiser collectivement, c'est-à-dire décider et exécuter hors de tout rapport de hiérarchie. Cela suppose des pratiques concrètes bien loin de ce qu'on peut trouver au sein de la société capitaliste et libérale. Dans ce cas-là, en général, une poignée de personnes décide. Dans ce cas-là, en général, une poignée de personnes décide. C'est ce qui se passe de manière caricaturale dans les conseils d'administration des entreprises, composés de personnes cumulant beaucoup de privilèges. Cela dit, c'est aussi le cas dans d'autres structures censées être plus humaines, telles que des assos. À côté de ça, une majorité de personnes exécutent leurs décisions et ces personnes ont en général beaucoup moins de privilèges, comme les employés d'une entreprise ou d'une asso. L'autogestion suppose une réelle implication de toutes les personnes du collectif, à la fois dans les prises de décisions et dans la mise en place des décisions prises. Cela suppose aussi une grande prise en compte des privilèges et des oppressions, afin de ne pas retomber dans des pratiques organisationnelles oppressives. En effet, plus on cumule de privilèges, et plus on a pu avoir l'habitude dans nos vies d'être dans des instances plus ou moins formelles dirigeantes. Réciproquement, plus on cumule d'oppression, moins on a été habitué à cela. Les personnes cumulant des privilèges ont donc une grande responsabilité dans le fait de ne pas en abuser et de laisser la place aux autres. Principe de base. Les règles sont fixées par les personnes concernées. Principe opposé à l'autoritarisme. Principe opposé à l'autoritarisme. Suppression de la distinction entre dirigeant et dirigé. Suppression de la distinction entre dirigeant et dirigé. Recherche de consensus. Tout est sujet à débat. Il peut y avoir beaucoup de débats, des réunions, des autocritiques, des discussions à rallonge qui prennent du temps. L'autogestion s'inscrit dans un projet politique de base, contre le système et l'idéologie capitaliste et ses fonctionnements sexistes et racistes. On rejette le consensus. On veut pas de consensus en fait. S'il y a consensus, c'est que bah, y a plus de confrontation. Et en fait, le conflit, c'est politique. Sacha, jeune activiste. Donc en fait, dans nos milieux militants, bah, évidemment, on sera jamais tous d'accord. Et tant mieux. En fait, on n'a pas à être toujours d'accord. Ça veut dire qu'il y aurait une parole qui vaudrait mieux qu'une autre. Et on veut pas du tout de ça. Du coup, bah, normal qu'il y ait des critiques qui soient faites contre Notre-Dame-des-Landes, contre le Carnet, contre Gonesse. Et c'est sain. Et tant mieux en fait. Et parfois, c'est un peu. Enfin, moi, j'ai plutôt tendance à pas être dans le compromis. Et parfois, je sens que c'est un peu une posture militante d'être peut-être trop radicale, mais en même temps, j'ai jamais l'impression d'être assez. Du coup, c'est une réflexion qui est vivante hein, et qui continue de s'exercer. Je dirais qu'il y a deux tendances qui discutent. Stéphane Tonola. Donc, il y a une tendance qui vient peut-être de mouvements un peu plus discrets ou secrets et qui a tendance à refuser toute forme d'institutionnalisation. C'est-à-dire, justement, à dire on fait les choses, mais on ne discute pas tellement sur comment on les fait. Il y a cette idée que, un peu une idéalisation organique, c'est-à-dire que si on fait, les choses vont bien se passer. On va trouver des accords dans le geste, pour le dire comme ça. Alors ça marche en partie, mais c'est vrai que ça marche d'autant mieux qu'on est dans des groupes qu'on appelle affinitaires. Mais dès qu'il y a une plus grande diversité dans les luttes, et notamment c'est ce qui se passe beaucoup lorsqu'une lutte devient un petit peu publique, un peu connue, là ça devient beaucoup plus difficile de trouver un élan commun sans avoir besoin d'en parler. Et donc là on arrive justement à d'autres techniques qui sont au contraire beaucoup plus dans le débat, qui utilisent beaucoup plus les assemblées générales et qui mettent en discussion non seulement les décisions à prendre, mais aussi les visions de formes de vie qui les sous-tendent. Et alors, à la ZAD de Gonesse, c'est une ZAD sur laquelle cette discussion a fait rage. On avait historiquement un mouvement, le collectif pour le Triomphe de Gonesse, qui est entièrement dans l'ouverture et la publicité et la discussion, justement, le débat. Et on a vu arriver des militants d'autres groupes qui sont venus soutenir, comme Extinction Rébellion, qui est un mouvement qui est beaucoup plus ancré dans le secret, ou des habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ou d'autres ZAD, et puis aussi des mouvements squatteurs de la région parisienne qui en avaient marre d'être confinés, des gilets jaunes. Et donc, tous ces gens arrivent avec une culture un peu différente. Alors toi, JC, tu étais sur la ZAD de Gonesse, tu es ce qu'on appelle dans ce milieu un cheveu blanc, puisque t'es retraité. Comment tu analyserais justement tous ces jeunes qui s'engagent, qui étaient avec toi à la ZAD? C'est quoi ces jeunes? C'est qui ces jeunes? Je suis tombé en admiration par rapport à leur abnégation, puisque, encore une fois, ils ne viennent pas défendre leur propre terre, ils ne viennent pas attendre la moindre rémunération, voilà, c'est même la réputation qu'ils peuvent acquérir dans le milieu des activistes, bon, c'est une réputation quand même avant tout de collectif, plutôt qu'une reconnaissance individuelle. Donc en apparence, il n'y a pas de bénéfice personnel pour ces jeunes à venir sur les autres. C'est une forme de vie, je pense qu'avant tout c'est une forme de vie. Se préparer à une société de pénurie, se préparer par un mode de vie extrêmement économe et qui recycle absolument tout ce qu'il peut recycler. Et puis, où on passe beaucoup de temps ensemble, finalement. Tout ce qui est dédié habituellement à la consommation ou à la passivité devant les écrans, ben, là, c'est investi plutôt dans les relations humaines, les groupes de parole, etc. Comme si on était un petit peu dans un M68 permanent, quoi. Il y a un petit peu cette libération de la parole. Les ZAD ou les espaces comme ça, d'écologie libertaire, autogérée, horizontaux, etc. Jade Lingard, journaliste à Mediapart et membre du collectif Des Terres pour Robert. C'est pas des endroits qui essayent d'attirer à eux des personnes extérieures. C'est des endroits refuges pour les personnes qui soit sont tout cassées par la vie ou rejetées par le système, soit qui décident de se sortir de ce système pour ne pas participer à une économie trop oppressive, aliénante, et qui trouvent là en fait un des raisons de vivre, des envies d'exister et puis des manières en fait de faire qui sont beaucoup plus libres. Je connais pas d'autres espaces dans notre société qui soient aussi à géométrie variable et à temporalité variable. Et il me semble que dans le moment qu'on vit, à la fois avec ces faillites institutionnelles et à la fois avec cette pression de partout, pression économique, pression sur le logement, pression au boulot, injonction de toutes parts, et ben le fait que ces espaces soient si, ces deux ZAD soient si mouvants, mobiles, capables de, enfin dans la réinvention quoi, permanente, ça en fait des soupapes. C'est de ce point de vue-là des lieux de réinvention, de liens sociaux, d'amitié, de sensibilité. C'est à la fois voilà, un peu ténu, hein. C'est difficile hein, d'essayer de matérialiser précisément à quoi servent ces lieux. Mais leur imprécision et leur flou peut-être font partie de leur richesse, en fait. C'est des endroits un peu de disruption, de possibles disruptions, de possibles ruptures. Et ben la rupture, ça peut être libérateur et ça peut être aussi difficile. Donc c'est pour ça que ça peut aussi être douloureux. Voilà, on peut y perdre des plumes, mais on y gagne une liberté qu'on ne trouve sans doute pas ailleurs. On est très très blanc dans nos luttes, enfin voilà, faut le dire. Et je saurais pas, enfin ça s'explique, enfin on sait pourquoi. Donc c'est pourquoi bah qui a le temps de prendre 3 semaines pour aller au Carnet à Notre-Dame-des-Landes ou qui a le temps là aujourd'hui, on est quoi, on est vendredi, on est dans des jardins au Aubervilliers. Quelqu'un qui travaille, un ouvrier. Un sans-papier, bah en fait, oui, il a pas que ça à foutre et il a bien raison parce que c'est tellement loin de son quotidien. C'est en fait eux, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent pas, ils veulent finir le mois, quoi. Ils veulent pas. Enfin, nous, on raisonne en fin du monde alors que c'est vrai qu'il y a des, voilà, il y a des gens qui sont tellement précaires que dans une telle précarité qu'ils peuvent pas faire autrement. Donc, il faut réussir à faire en sorte que qu'on les aide. En fait, c'est que par l'entraide qu'on pourra faire venir plus de mixité, enfin, qu'on pourra faire venir plus de personnes précaires et souvent racisées, en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu fais des cantines solidaires, tu vas les aider dans leur lutte, tu vois. Il y a des syndicalistes des déchets qui sont venus, des éboueurs, nous parler sur les jardins il y a 2 jours. Et il y a un copain écolo qui leur a dit « Ouais, trop bien, on va pouvoir voilà, faire convergence, vous allez pouvoir nous aider pendant nos actions, gnagnagna. » Et le copain éboueur disait « Bah oui, enfin vous étiez où quand nous, on était en grève, tu vois ?» Et il a raison, en fait, il faut être partout, quoi. Et c'est évidemment social d'abord l'écologie, quoi. Parce que, en fait, moi, l'écologie sans les classes populaires, ça m'intéresse pas du tout. Notre lutte, elle est large et elle regroupe énormément de choses. C'est pas simplement l'écologie, c'est intersectionnel, en fait. Et du coup, ça m'énerve qu'on arrondisse les angles tout le temps pour que ce soit joli et présentable, alors qu'en fait, la ZAD... Bah, c'est une lutte et que la lutte elle est violente et qu'elle est pas jolie et qu'elle est pas très toute propre parce que le monde il est pas tout propre, il est pas tout joli et qu'il y a de la violence et que voilà et ça m'énerve qu'on le cache derrière des potagers et des bobos. Désolée hein, mais en fait c'est pas comme ça, genre ouais il y a des potagers et des bobos et c'est ça qu'on présente au public, mais en fait c'est aussi vénère et ouais il y a de la rage et moi j'ai du mal avec le fait d'embellir toutes les images. Mais ce sera beaucoup plus acceptable parce que c'est tout bien, tout joli, que une lutte où il y a, j'en sais rien, où il y a des quepons, où il y a des personnes racisées, où il y a des minorités de genre, où il y a machin, qui sont mises en avant. Parce que là, ce sera tout de suite beaucoup plus diabolisé aussi, etc. Et du coup, c'est juste que les luttes qui ont la parole, parce qu'elles sont acceptables aux yeux du grand public, et bah prennent toute la place. Enfin, en fait, acceptent de prendre toute la place, ça m'énerve. Parce que juste leur tuyau, ça formate notre lutte. Et du coup, ça la déforme, et du coup, c'est plus notre lutte. Je tiens à préciser que je suis une meuf cis blanche privilégiée sur beaucoup de points. Je viens d'un milieu aisé économiquement, je fais des études, je suis blanche, je suis une meuf cis, et que je suis hétéro en plus. Donc vraiment, un bon cumul de privilèges. Et je trouve que c'est important de préciser d'où on parle. On se bat contre la guerre en plein milieu des champs et puis pour l'amélioration. La guerre du triangle de Gonesse qui veulent construire. Ah d'accord. Vous savez ? Ah oui, non, je crois que c'était arrêté ça, non ? Ah bah non. Ah, bon. Le projet Europa City, oui, a été arrêté, pas la gare, d'accord. Pas le projet de la gare. Okay. Donc on lutte pour préserver les dernières terres agricoles en Ile-de-France. Et contre ce projet de gare complètement inutile en plein milieu des champs. Sur l'autoroute, ils en ont fait une de TGV, elle n'a jamais servi alors. Ouais. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, D'accord, ok. Tu restes ça chez moi à tête reposée. Ouais, allez, bonne journée. Bien, merci. Ben, je pense que là, les quelques personnes que je viens de voir ce matin associent la gare avec le projet Europa City. Donc comme le projet Europa City a été abandonné, ils pensent que le projet de la gare, lui aussi, est abandonné. En fait, voilà, pas du tout. Donc effectivement, il manque d'informations par rapport à ça. Il y a une personne qui m'a parlé, oui, effectivement, que si la gare se faisait, il faudrait bétonner autour. Donc elle était très informée, mais en général, là, les gens ne sont pas trop informés. Arrêtez de dire que cette gare, elle est inutile, c'est faux. Et arrêtez de dire qu'elle est en plein milieu des champs, c'est faux. Dans le Val d'Oise, on n'a pas de gare de la ligne 17. C'est la seule gare de la ligne 17 et c'est la gare pour laquelle vous vous opposez. C'est quand même scandaleux. Comment est-elle financée, madame, cette gare ? Mais c'est pas votre problème, ça, le financement. Et pourquoi cette gare-là, vous ne pouvez pas la mettre en milieu déjà urbanisé ? Ça ne vous dérange pas que ça soit mais en plein champ ? C'est impossible, les études ont été faites. Parce que vous imaginez qu'à Gonesse, on n'a pas essayé d'avoir la gare en plein centre-ville ? Moi, je suis habitant du centre-ville. Je sais très bien que cette gare, elle sera plus proche de chez moi que la gare actuellement du RERD. Et excusez-moi du peu, aujourd'hui, je suis obligé de prendre la ligne 11 de bus pour rejoindre la ligne 13 de métro et pour avoir en moins d'une heure accès au centre de Paris. C'est la seule façon. Si vous voulez, venez nous dire que le métro, il est au milieu des champs, mais on s'en fout, parce que on est en grande couronne. On sait très bien que la gare de métro, elle sera pas au pied de chez nous. On sait très bien qu'on doit prendre le bus pour aller prendre le métro. On ne rêve pas ici. Donc forcément, je suis favorable au métro. Forcément. Vous avez un point de vue de Gonessien. Permettez-moi d'avoir un point de vue de Francilien. On est en 2021. On ne peut plus du tout urbaniser quoi que ce soit. Là, c'est vraiment purement scientifiquement sur le plan environnemental du réchauffement climatique et de l'alimentation de vos enfants et de vous-même et de moi. Monsieur, je suis d'accord avec vous, sauf qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas nier les projets qui existent depuis bien longtemps. C'est pas possible. Qu'il y ait une loi pour protéger l'avenir, on est tous d'accord. Mais ce triangle de Gonesse, il existe depuis plus de 50 ans. Et il faut garder ces terres agricoles. Tout et c'est terminé. Ah, donc oui. Les Gonessiens n'ont plus de gare, ils n'ont plus de formation, ils n'ont plus d'emploi, c'est pas grave. Et bah, on peut mettre des... Mais on n'est pas d'accord. Mais on peut mettre des centres de formation qui ne soient pas des énormes bâtiments en béton comme ils vont le faire. Qu'est-ce qui vous dit que ce sera des énormes bâtiments comme ils veulent le faire ? C'est fait un procès d'intention sur un projet qui est en cours d'élaboration et je trouve ça un peu regrettable. Donc laissez le temps. Vous ne pensez pas que les enfants de Gonesse, mes petits-enfants, méritent autre chose que du béton ? Mais on essaye de leur faire quelque chose qui n'est pas du béton. Vous voulez utiliser les terres. Vous voulez utiliser les terres alors que nous, on a un projet. Alors, les gens sont prêts à venir travailler sur ces terres. Travailler sur ces terres, il n'y a pas de souci. On a une différence de conception de la société qui ne peut pas se rencontrer pour le moment. Voilà, c'est ça. Bon voyage, monsieur. Le principe du Grand Paris Express, c'est avec des gares de métro et autour de ces gares d'avoir des pôles de développement qui donneront à ces territoires de l'attractivité là où il en manque. Jean-Pierre Blasi, maire PS de Gonesse. Et que finalement, l'Île-de-France de demain, le Grand Paris de demain, ce ne soit pas uniquement du développement pour Paris et les abords immédiats de Paris, mais aussi pour la grande couronne parisienne. Donc l'écologie, je suis pour. Mais il y a l'urgence écologique et il y a l'urgence sociale. Nous sommes sur des territoires, un territoire très jeune, un territoire où il y a beaucoup de chômage, le chômage de la jeunesse, de décrochage éducatif, scolaire, d'échec scolaire, et il faut donner un espoir à notre jeunesse. Le rôle d'un maire et des élus sur un territoire, c'est aussi de répondre à cette exigence. C'est une exigence. Pourquoi notre territoire ne pourrait pas avoir un métro ? D'ailleurs, la gare du métro de Gonesse, c'est la seule gare que le département du Val-d'Oise aura gagné avec le projet du Grand Paris Express. À quoi ça rime, au fond ? C'est vrai qu'on a du mal à imaginer une gare au milieu d'un champ. Alors, elle ne sera pas au milieu d'un champ. Il y aura de l'agriculture autour. Il y aura un projet. Aujourd'hui, le Premier ministre est venu redonner un peu de l'espoir à ce territoire qui en avait perdu depuis 18 mois avec cette décision funeste d'abandon du projet Europa City en nous promettant un projet alternatif qui tardait à venir. Le Premier ministre a dit en même temps que c'est un projet qui doit prendre en compte aussi les réalités de ce territoire qui reste un territoire agricole et qui restera un territoire agricole. 110 hectares, ça ne veut pas dire 110 hectares de béton. Là, il y a un nouvel écran de fumée, puisque Jean Castex, qui propose pour le triangle de Gonesse, il le fait au nom de l'écologie. Donc c'est l'espèce d'absurdité de... On fait un internat tourné vers les métiers de l'agriculture, mais avant ça, on bétonne les terres. Pour moi, c'est... On marche complètement sur la tête. Alice Leroy. Mais lui, il fait un discours là-dessus, quoi. Enseignante en communication et écologie urbaine. On n'apprend pas aux gens que les terres agricoles, c'est important. Il n'y a aucun moment dans les cours de géo où on parle de ça. Au contraire. Moi, j'ai découvert dans le manuel de géo de ma fille, qui a été publié, je crois, il y a 4 ans, donc c'est pas dans les années 1980, c'est dans les années 2015, elle avait une double page quasiment de pub pour Europa City, dans son manuel, sous le titre « Un aménagement de proximité ». Alors que c'était un projet qui était censé attirer 31 millions de visiteurs, donc deux fois Disneyland Paris. Donc c'est pas un aménagement de proximité, c'était un truc qui était lié à l'aéroport. Ils voulaient faire venir des touristes chinois. Donc c'est déjà une énorme victoire qu'on ait réussi à faire annuler Europa City avec zéro moyen financier, juste par la mobilisation citoyenne. Archives, 23 février 2021. CRS qui sont arrivés ce matin pour évacuer la ZAD sont arrivés vers 7h environ. On sait qu'il y a 24 personnes à l'intérieur et qui vont être évacuées vers le commissariat de Cergy-Pontoise. Il n'y a pas eu de résistance violente pour le moment. Ça se passe dans le calme, oui. De toute façon, ça a toujours été ce qu'on disait. Hein. On est non-violent et c'est ce qu'on s'était engagé, sur quoi on s'était engagé. Ouais. C'est rentré assez rapidement, ils sont rentrés tout doucement dans le calme. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas là pour nous fracasser la tête comme à Notre-Dame-des-Landes. Pour la première ZAD d'Île-de-France, c'est une bonne réussite quand même. Bien, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Et d'abord, au nom du CPTG, on voulait remercier tous les gens qui étaient sur la ZAD, qui ont dormi pendant 17 jours sur la ZAD de la ligne 17. La ZAD n'est pas morte, vous l'avez bien compris. La zone à défendre est toujours à défendre, même si la lutte va prendre des formes différentes. En tout cas, merci d'être ici, parce que nous on continue plus que jamais. On a fait cette ZAD dans des conditions parfois un peu difficiles, et ils sont venus nous chercher au moment où on s'y attendait le moins. Et malheureusement, on n'était pas assez pour pouvoir défendre le lieu. Mais je pense que même s'ils ont pu nous exiler, ils ne pourront jamais briser tous les liens qui se sont créés sur la ZAD. Et que ce soit à Gonesse ou ailleurs, comme par exemple de l'autre côté du RERB, on refera des choses et on continuera à lutter. Le 23 mars 2021. Donc une opération d'évacuation de la zone illégalement occupée du Carnet a été engagée ce matin à 7h. C'est une opération qui engage évidemment à titre principal la gendarmerie nationale, même si d'autres services, je pense aux pompiers, aux SDIS, sont en appui. C'est une opération qui évidemment fait suite aux décisions de justice qui ont été prises par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire au mois de février. Puisque vous le savez, cette zone naturelle en bordure de Loire fait l'objet d'une occupation illégale depuis la fin de l'été dernier. Et les on est prêt à rencontrer également des représentants. Le conseil on se tient à votre disposition. Dernière sommation, on va faire usage à la force. Quand je m'arrête, vous me passez, vous débordez par la droite, c'est compris? Mais donc, il y a eu, enfin, les faits, c'est qu'il y avait 800 GM, gendarmes mobiles, dont le PSIG, qui était là, et que, en gros, bah, ça s'est passé très vite, parce qu'on n'était pas beaucoup, et ils ont avancé très rapidement, et qu'ils avaient des ordres de faire ça, à mon avis, hein, le plus rapidement possible. Et la manière la plus non violente possible pour que ça attire pas des gens, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé. Mmh. On savait en fait la veille qu'ils allaient arriver parce qu'on avait des sources qui nous l'ont dit. Mais comme l'annonce, on l'a su peu de temps avant, on n'a pas eu. Enfin, énormément de gens qui sont pas arrivés à temps en fait, qui étaient dans le train, dans la voiture pendant le moment où ça a commencé quoi. Mmh. Mais là, on est tous ensemble et c'est trop beau et c'est trop ouf ce qui se passe et on. Et genre, on a une solidarité qui est assez incroyable et c'est trop beau, mais genre, ça va pas durer, mais enfin, à un moment, on va devoir rentrer. chez nous, ou en tout cas pour les gens qui n'ont plus de maison, hein, s'héberger, mais pour l'instant c'est encore assez ouf ce qui se passe, hein, c'est un peu, enfin étonnamment c'est un peu un des plus beaux moments du carnet, quoi, enfin. Ah bon, pourquoi? Genre, on est tous, bah parce qu'on est tous réunis, qu'on se rend compte que en fait c'était pas le carnet mais que c'était nous, enfin c'est ce que je veux dire, enfin que ça, c'était le carnet mais que du coup c'est plus que ça encore, quoi, c'est pas juste un endroit, et genre on est pour prendre soin les uns les autres et se rassurer et tout ça, et on est tous mobilisés pour aider les gens, les copains, les copines qui sont encore dans la merde, et du coup c'est trop beau, quoi, enfin genre ça fait chaud au cœur de voir qu'on est tous là, voilà. Donc c'est ça qui est cool. Mais bon, c'est aussi un des moments les plus tristes. Hein. Résistance et sabotage. Ce matin, ils ont pété la ZAD. Ce matin, ils ont pété la ZAD. Ce matin, ils ont pété la ZAD. Sur Twitter, ça raconte au carême, c'est des bidons, une petite sale bâtarde d'abac. Dis-moi que t'as posé une seule brique, rien à péter. On reviendra, c'est qu'il fallait, on s'en mettra toutes nos cabanes. On consommera car les sauvages vaincra les faux rires, les comètes, la répression, la dépression, le bonheur, les problèmes. C'était Génération ZAD, un désir de sens. Avec Clémence, Chloé Gerbier, François Pinatel, Jadeline Gart, Sylvain, Siamak, Stéphane Tonnella, JC, Jean-Pierre Blasi et Alice Leroy. Réalisation, Marie-Laure Ciboulet, mixage, Olivier Dupré, coordination, Perrine Carvan et Marie-Vonne Abolivier. Un documentaire d'Arla Lefkovitch, assisté de Philippine Rouvière-Flamand pour la série documentaire. Ce matin, ils ont pété la ZAD. Ce matin, ils ont pété la ZAD. Ce matin, ils ont pété la ZAD. Ce matin, ils ont pété la ZAD. En manif, en soirée, l'équipe est incontrôlable. Coquetamine, canette au carnet, c'est le carnage. Et j'ai beau planer tous les jours. Pas d'issue de secours, on a déjà repéré le parcours à l'ouest, y'aura les condés à l'est, c'est foutu. Marais, les Nico, ils nous surveillent. Y'a cocotte, on a la haine, mélange alcoolisme et cuisine. Chaque garbu sera lancé, crève la DN, vive les bêtises, mon son à ton putain de procès. Pour les copains qui frôlent la tôle, pour vol de tôle, pour celles qui évitent la prison, pour vol du tri en réunion. Pour les copains qui frôlent la tôle, pour vol de tôle, pour celles qui évitent la prison, pour vol du tri en réunion. Ça crève l'état et les matons, mauvaise fréquentation. Vole tout ce qu'elles peuvent sur ta maison et se font cramer à des catons pour mon crew. Un sort un mode de vie irrécupérable pour les cagouleuses de la saule, mais jamais pour les virilos. De tout ça, je conserve la haine des réunions, des traces de feu sur le camion et la peur de la répression. J'ai du départ, arme blanche, l'idée noire. Ils mettent les problèmes au placard, on n'oublie pas, on pardonne pas. Ce matin, ils ont pété la ZAD. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Gonesse, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast, sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, l'origine des ZAD. Mais en attendant, restez à l'écoute.